Europe Connection. Europe Connection. De Alexandra Badea. Tu as passé ta nuit à faire du copier-coller dans tous les sites militants écolos qui squattent la toile. La gueule du mec qui souffrait d'une leucémie aiguë type 4 t'a un peu secoué, mais il fallait avancer. Alors tu as désinfecté ta conscience avec un peu de single malt. Là tu le sens. Tu es au deuxième de Doliprane et ça te fait zéro effet. C'est comme ça. Il y a des matins où tout fout le camp. Le seigneur exécutif parle, et toi tu trempes les lèvres dans ton cappuccino en essayant de faire l'intelligent. Mais tu ne trouves rien. Et lui, il parle. Il parle pour oublier sa peur. Quand son téléphone sonne, qu'il répond, qu'il écoute sans rien pouvoir placer, c'est que ça craint. Le big boss doit être en train de lui gueuler dessus. Surtout là, au beau milieu du scandale. Alors il parle. Il vous parle. Il essaie de tirer une idée. Ton collègue propose d'organiser un gala pour attribuer des prix aux meilleurs fermiers. N'importe quoi. Comment il peut croire pouvoir résoudre cette affaire comme ça? La moitié des produits de la firme va tomber à l'eau. Et lui, il veut inventer les Oscars de l'agriculture. Vous brassez du vent. Rien ne sort. Trois cappuccinos plus tard, ton cerveau commence à se remettre en route. Tu revois le visage défiguré de l'agriculteur du webdoc. Il est là. Présent dans ta tête. Il ne veut pas partir. Tu ne te souviens de plus rien d'autre dans ce film. Ce n'est que lui qui reste. Tu prends ton iPad et tu commences à fouiller dans les vidéos archivées. Tu regardes, tu le vois, il commence à parler. Il raconte sa première crise. C'est ici que j'ai eu un accident, en vérifiant le nettoyage d'une cuve sur un pulvérisateur. J'ai inhalé les vapeurs d'un solvant. Tu reprends. Un accident. Tu reprends encore. Un accident. Une mauvaise manipulation. Pas de port de masque, pas de gants. Un accident. Et encore un élément ? Ton bonhomme ne sait pas très bien expliquer la chose. Il s'embrouille un peu entre les composants chimiques. Un accident. Ça t'intéresse. Tu reprends encore. Un accident. Et encore. Un accident. En réécoutant le mot accident, tu commences à sourire. Tu es sur le point de trouver un fil. Tu reprends la vidéo. Tu zappes sur ses symptômes, son traitement, la liste impressionnante de ses diagnostics et des médicaments. Ça ne rentre pas dans ton champ de compétences. Une pub alarmiste écolo contre les dangers des pesticides s'ensuit. Là, ça devient intéressant. Ça te parle. Ton cerveau commence à rouler à 1000 à l'heure. Assumer sa responsabilité, mais pas jusqu'au bout. En partie. Et le gros de l'affaire, le placer sur les autres. Sur ceux qui ouvrent leur grande gueule pour réclamer leurs droits. Tu jettes ton gobelet de cappuccino et tu retournes voir le seigneur exécutif. J'ai l'idée. On met tout sur les agriculteurs. Ils ne sont pas formés, ils prennent des risques, ils font n'importe quoi. Mais pour faire avaler le morceau, on se fait mea culpa. On crée un programme de formation, du stewardship. Tu connais ça? C'est comme les stewards dans l'avion. Il fait quoi, le steward dans l'avion? Il assure le confort et la sécurité des passagers. Et ben là, il va accompagner l'utilisation du produit pour minimiser les risques d'accident. On peut même faire une proposition d'amendement dans ce sens-là. À la place de nous foutre sur la liste noire, rendez obligatoire le stewardship. Il n'y a pas d'agriculture intensive sans nos produits. Vous êtes prêts à affamer le monde? Oui, nos produits sont dangereux. Oui, il y a eu des accidents, mais dans la vie, il n'y a que des risques. Nous, on est prêts à dépenser de l'argent pour financer la formation. Rendez obligatoire le stewardship. Tendez-nous la main. Tu vois le plan? Il te regarde. Il aura envie de te dire qu'il ne voit pas, pour pouvoir te piquer une partie de l'idée et l'emballer à sa sauce. Mais là, il n'y a rien à faire. Tu le regardes curieusement. Tu te demandes si tu devrais aller plus loin. Il n'y aura aucune trace après. Tu aurais dû mettre tout sur papier pour pouvoir défendre ton idée. Mais vous êtes sous la pression du temps, alors il faut y aller. Tu reprends la parole. Et on va plus loin. On invente une campagne de sensibilisation contre les dangers des pesticides et on la balance en prime time. Un truc genre, pour votre santé, mangez 5 fruits et légumes par jour, ça pourrait être « Les pesticides sont des poisons, à vous de faire attention ». Avec une chanson à la con et une animation sympa, ça va passer. On l'a dit, on l'a fait, à vous de voir. On vous dit que c'est dangereux, on vous envoie des stewards. Tout est à notre charge. Après, à vous de suivre. Ça te plaît? Je le rédige. J'envoie un premier flux d'emails à la commission. On les aura, tu verras. Suis-moi. Europe Connexion de Alexandra Badea. Enregistré dans le cadre des chantiers nomades. Avec Marion Lubat et Martial Jacques. Musique, François Bonnet. Prise de son. Montage et mixage, Philippe Bredin, Jean-Michel Coqui et Anil Bosselet. Assistante à la réalisation, Chloé Mauduit. Réalisation, Alexandra Badea et Alexandre Planck. Remerciements à Céline Geoffroy et à toute l'équipe des Chantiers Nomades. better life. Breathe, you hold the wild blue sky. Men do foolish things. You turn kings into beggars, beggars into kings. Pretend that you owe me nothing. The answer, can you forgive me somehow? Maybe when our story's over, we'll go where it's over.